La vie de mon père, livre audio gratuit, un roman de Nicolas Aimé, restif de la Bretonne, lu par Amina Grobis pour le compte de audiocité.net, sous licence Creative Commons. D'autres célèbrent les guerriers qui triomphent par les armes. Les académies décernent des prix aux écrivains, qui donnent un nouvel éclat à la gloire des anciens ministres, des hommes de lettres distingués. Moi, je vais jeter des fleurs sur la tombe d'un honnête homme, dont la vertu fut commune et à tous les jours pour ainsi parler. Il ne fut que juste et laborieux, qualités qui sont le fondement de toute société, et sans lesquelles les héros mourraient de faim. J'ouvre une nouvelle carrière à la piété filiale. Si le fils de tout homme en place était obligé d'écrire la vie de son père, cette institution serait une des plus utiles. Quel est le père qui, sachant que son propre fils sera forcé d'être un jour son historien véridique, n'acquérerait pas quelques vertus, ne ferait pas quelques bonnes actions, dans la vue au moins de n'être pas déshonoré par celui-même qui doit perpétuer son nom? Ce serait là sans doute le frein le plus puissant contre la corruption rapide de nos mœurs. Omnia non pariter rerum sunt omnibus apta fama nec ececo ducitur ulla jugo, prop. Humble mortel, vertueux sans éclat, qui fit le bien par goût et vécut pauvre par choix, mon père, reçois l'hommage que le moins digne de tes fils ose rendre à ta mémoire.